Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 21. De la justice et de la miséricorde de Dieu. Dieu est juste et miséricordieux, toutes ses œuvres l'attestent. 1. La justice est-elle en Dieu? Le Seigneur est juste, dit le roi prophète, et il aime la justice. Psaume 10, 8. Il y a deux sortes de justice, la justice commutative et la justice distributive. La justice commutative, qui dirige les relations commerciales, ne convient point à Dieu. Personne ne lui a donné, nous dit l'apôtre, pour avoir le droit d'en attendre quelque chose. Romains 11, 32. La justice distributive, qui consiste dans une équitable répartition des biens et des maux, et qui convient au souverain, à l'administrateur, au juge, est donc la seule que l'on puisse lui attribuer. Or, de même que le bon ordre d'une famille ou d'une société fait voir cette justice dans le chef, de même l'ordre général qui brille dans le monde physique et dans le monde moral démontre que la justice est en Dieu. Nous devons reconnaître la justice divine, disait saint Denis, en ce que la Providence accorde à toutes les créatures les dons que réclame leur dignité, et en ce qu'elle conserve la nature de chacune d'elles dans l'ordre et le rang qui lui est propre. Note. Quoique Dieu ne doive rigoureusement rien à personne, il y a cependant pour lui deux sortes de dettes, l'une qui l'oblige envers lui-même, l'autre qui l'oblige envers les créatures. La première veut qu'il accomplisse dans la création ce qui convient à sa sagesse. En agissant ainsi, il agit conformément à ses perfections et se rend ce qu'il se doit à lui-même. La seconde demande qu'il fournisse aux créatures ce que suppose leur fin. Elle rentre dans la première, car il ne leur doit que ce qu'il a préordonné dans les desseins de sa sagesse. Il remplit cette justice en accordant à chacune ce qui lui est nécessaire selon sa nature et dans sa condition. Voilà pourquoi la justice en Dieu s'appelle tantôt convenance de sa bonté, tantôt rémunération des mérites. Saint Anselme a touché ces deux points quand il a dit « Dieu punit-il les méchants, c'est justice, car il le mérite. Pardonne-t-il aux méchants ? C'est encore justice, il fait ce qui convient à sa bonté. » Fin de la note. 2. La justice de Dieu est-elle la vérité? Il est écrit, la miséricorde et la vérité se sont rencontrées. Psaume 84. La vérité ici signifie la justice. La justice divine, qui établit dans les créatures un ordre conforme à l'infinie sagesse, prend, en effet, le nom de vérité en tant qu'elle est la réalisation de la règle divine, qui est la loi supérieure. 3. La miséricorde est-elle en Dieu? Le Seigneur est clément et miséricordieux. Psaume 110. La miséricorde n'est pas en Dieu comme passion, mais elle y est comme effet de sa bonté, car, quoiqu'il ne s'attriste pas, comme nous, de la misère d'autrui, il lui convient éminemment de la soulager. Dans ce mot misère, on peut comprendre tous les défauts. Or, quand quelqu'un veut détruire la misère des autres comme si elle lui était propre, il fait une œuvre de miséricorde, et, comme cette destruction ne saurait être de la part de Dieu qu'un effet de sa bonté, la miséricorde lui appartient souverainement par cela même qu'il est la source de toute bonté qu'il donne aux créatures les choses dont elles manquent. Note. La miséricorde ne va pas contre la justice, elle est d'un ordre supérieur. Si je dois 100 pièces d'or et que j'en donne 200, je fais un acte de miséricorde, ce qui n'attaque en rien la justice. Il en est de même du pardon des offenses, pardonner, c'est donner. Fin de la note. 4. Y a-t-il justice et miséricorde dans toutes les œuvres de Dieu? D'abord, la justice est dans toutes les œuvres divines. Car Dieu ne peut rien faire contre sa sagesse, et il agit toujours dans l'ordre et la proportion qui conviennent. D'où il suit qu'il exerce la justice envers lui-même et envers les créatures dans tout ce qu'il fait. Ensuite, la miséricorde est pareillement au fond de toutes les œuvres divines. En effet, si Dieu doit quelque chose à la créature, il le doit en vertu d'un don primitif de sa bonté, fin dernière de toute chose. Dans toutes ces œuvres on trouve ainsi la miséricorde comme faisant un premier don qui pénètre de sa vertu tous les effets subséquents. Il y a mieux, par un surcroît de bonté, il donne toujours à ses créatures plus que n'exige strictement leur nature, la justice est loin de demander tout ce que sa bonté nous accorde. Note. La miséricorde apparaît dans la damnation des méchants, parce que Dieu ne punit pas le mal avec toute la rigueur que le mal mérite. La justice se montre dans la justification de l'impie, auquel le péché n'est remis qu'à cause de l'amour. La justice et la miséricorde se révèlent à la fois dans les punitions qui atteignent l'homme vertueux dans ce monde, où les souffrances qui servent à le purifier des fautes légères le portent à s'élever vers Dieu. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020. Extrait du tome 1er. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.